Chapitre 18e. Malgré la forme sous laquelle ces observations lui avaient été adressées, Madame de Mussidan fut heureuse. Elle venait d'un père qui aime sa fille et qui s'inquiète, qui s'effraie pour elle. N'était-il pas tout naturel que, sous le coup de l'émoi causé par la mort d'Odile, cette inquiétude se traduisit d'une façon violente? Et puis peut-être méritait-elle ses reproches dans une certaine mesure. Peut-être avait-elle été imprudente. C'était avec son cœur qu'elle regardait sa fille, non avec ses yeux. Il lui trouvait tous les mérites, toutes les qualités, la beauté, l'intelligence, la bonté, la tendresse, la générosité, la santé. Peut-être sur ce point, mais sur ce point seulement se trompait-elle. Peut-être cette santé n'était-elle pas ce qu'elle avait cru. Ce serait ce que le médecin verrait. Elle eût voulu l'accompagner elle-même chez ce grand médecin, car une mère voit et sait bien des petites choses qui échappent à un père. Mais quand elle essaya de dire quelques mots de son désir, elle fut si rudement embarrée qu'elle ne put pas insister. « Croyez-vous que je ne connais pas ma fille? Craignez-vous que je ne sache pas ce que je dois dire? Ne vous inquiétez que d'une chose, me dire par écrit de quoi sont morts vos parents, père, mère, grand-père, grand-mère. Si vous le savez, ce qui avec des gens de leur condition est assez difficile, je leur connais. » Elle prépara sa note pour le lendemain, mais au moment de partir pour se rendre chez Carbonneau, M. de Mussidan, après avoir regardé sa fille des pieds à la tête, déclara qu'il ne sortirait point avec une petite bête ainsi fagotée qui avait l'air d'un chien savant. « Cela est bon quand elle sera avec vous, dit-il, mais pour que je la prenne avec moi, il faut l'habiller autrement. » C'était bien là le difficile. On était à la fin de novembre et la toilette qui avait servi pour la présentation à Madame Raphélis, surtout les bottines de Coutil, n'était plus de mise. Elle avait, il est vrai, la toilette qu'elle mettait pour aller au conservatoire, mais c'était justement celle-là que son père n'admettait pas. Il fallut en organiser une, ce qui ne fut possible qu'après une visite préalable au Mont-de-Piété ou sur quelques pièces d'argenterie données par Mademoiselle de Puylaurens et qui faisait continuellement la navette. On prêta à Madame de Mussidan à peu près ce qu'il lui fallait pour habiller Geneviève, de façon à ce que son père la trouvât digne de sortir avec lui. Et ce n'était point chose facile ni ordinaire, car jamais il ne leur faisait cet insigne honneur, ni à elle, ni à l'enfant, de les admettre près de lui. Son habitude était en effet de se promener toujours seul, et ce n'était que quand ils allaient quelquefois le dimanche dîner tous les trois à Asnières chez les limoniers qu'elle pouvait l'accompagner. Encore n'était-ce point en lui donnant le bras ou la main, ni même en marchant près de lui, mais de loin, lui prenant les devants, elle venant derrière. À la gare, s'il arrivait trop tôt, il ne restait pas avec elle, mais il arpentait la salle des pas perdus, le nez au vent, dévisageant les jolis minois, tandis qu'elle restait dans un coin, ne se mettant en marche que lorsqu'elle le voyait entrer dans la salle d'attente. Une fois à Asnières, il prenait encore la tête pour sonner à la porte des limoniers, alors qu'elle n'était pas seulement au bout de l'impasse. C'était une grande affaire pour Geneviève que cette toilette, car elle se réjouissait de sortir avec son père, que deux fois, en s'habillant, se regarda-t-elle dans sa glace. « Crois-tu que papa voudra de moi ?» demandait-elle à chaque instant. Et Madame de Mussidan, la regardant, l'admirant, la trouvant la plus belle des petites filles, se disait qu'il faudrait qu'il n'eût pas Dieu pour la voir, s'il ne voulait pas d'elle. Mais cependant, ce n'était qu'à demi qu'elle osait la rassurer. Enfin, le moment de passer l'inspection arriva, et ce fut en tremblant que Geneviève comparut devant son juge. Longuement, il l'examina depuis les bottines en veau jusqu'à la toque en feutre garnie de velours noir. « Allons, vous êtes belle, » dit-il enfin. « Vous donnerez la main à votre papa, et nous prendrons par les boulevards. » Par les boulevards. « Avec lui. » La mère fut encore plus fière que la fille, et pendant qu'ils descendaient l'escalier, elle courut au balcon et se pencha par-dessus la rampe pour voir Geneviève donner la main à son papa. S'il avait pour Geneviève de quoi être fière de sortir avec son papa, il n'y avait pas de quoi être bien joyeuse, car de Montmartre à la place Vendôme, où demeurait le grand médecin, ils n'échangèrent pas deux paroles. Elle n'osait pas questionner son père qui ne pensait pas à lui parler. Il ne lui dit qu'un mot en arrivant au coin de la rue de la Paix. « Tiens-toi bien, on te regarde. » Cela lui était bien égal qu'on la regardât. Elle ne pensait qu'à regarder elle-même autour d'elle. « Tu n'iras rien au médecin, » lui recommanda son père en montant l'escalier de Carbonneau. « Tu me laisseras parler. Tu répondras seulement quand il t'interrogera. » Après 2 heures d'attente dans le grand salon, ils furent introduits dans le cabinet de M. Carbonneau et M. de Mussidan se nomma, mais sans que cela parût faire aucune impression sur le médecin. « C'est pour cet enfant que vous désirez me consulter ?»« Oui, monsieur, et voici dans quelles circonstances. La santé de cet enfant est précieuse, extrêmement précieuse. » Cela aussi, bien que dit avec une importante gravité, parut ne faire aucune impression sur le médecin qui regardait sans doute comme également précieuse la santé de tous les enfants. Ce qui est évidemment absurde, car s'il y a des enfants qui valent 3 millions, et Geneviève était de cela, il y en a qui ne valent pas 2 sous, ce qui détruit toute idée d'égalité entre eux. Toute petite, cet enfant montrait des dispositions exceptionnelles pour la musique, de sorte que sa mère, vous savez ce qu'est l'ambition des mères, a eu l'idée de lui faire obtenir le prix de piano au conservatoire. Quel âge a l'enfant ? 11 ans. Et elle a des chances. Elle a l'espérance de son professeur. Mais les dispositions exceptionnelles ne suffisent pas. Pour obtenir la première médaille à cet âge, on fait donc travailler, beaucoup travailler, cet enfant. Je vous l'amène pour que vous l'examiniez et me disiez s'il est en état de supporter ce travail. Qu'appelez-vous beaucoup travailler ? Combien d'heures par jour ? 7 ou 8 heures. Quel exercice physique fait-elle ? Elle va au conservatoire et elle en revient. Quelle maladie d'enfant a-t-elle eu ? Elle n'a jamais été dangereusement malade. On a craint seulement des accidents du côté du cerveau. Elle est très sensible, très impressionnable. Cela se voit. Quel âge a sa mère ? 35 ans. Et tout de suite, M. de Mussidan parla des ascendants paternels et maternels. Pour ceux-ci, il glissa, mais pour les siens, il appuya. Cependant, il eut la discrétion de ne pas remonter jusqu'à Guillaume depuis le Reims, ni même jusqu'à Sébastien de Mussidan. Assise dans un fauteuil, Geneviève n'avait encore rien dit. Elle regardait le médecin et elle trouvait qu'avec ses longs cheveux blancs, qui par derrière tombaient sur le col de son habit boutonné, il avait une très belle tête, l'air bon, et il ne lui faisait pas peur du tout. Aussi, quand il l'interrogea, répondit-elle sans aucune gêne, et se prêta-t-elle gaiement à l'examen qu'il fit d'elle. « Est-ce que cela vous ferait la peine, mon enfant, de ne pas travailler votre piano ?»« Oh oui, monsieur !»« Et puis cela en ferait à Madame Raphélis ?» Et vous ne voulez pas faire de peine à Madame Raphélis, elle est si bonne. Soyez tranquille, je ne vous en ferai ni à vous ni à elle. S'adressant à M. de Mussidan, où demeurez-vous, monsieur ? Il n'y avait pas de question plus désagréable que celle-là pour M. de Mussidan. Et toutes les fois qu'on la lui posait, il s'arrangeait toujours pour ne pas répondre. Comment dire à Montmartre ? Un homme de son nom ne demeure pas à Montmartre. Sans doute ce que le médecin voulait savoir, c'était dans quelles conditions hygiéniques était l'appartement qu'il habitait. Ce fut à cela qu'il répondit. La situation de mon appartement est admirable. De l'air, de la lumière, du soleil, 2 expositions, celle du nord et celle du midi. Vous avez un jardin ? Non, mon Dieu, non. Dans ces conditions de bon air et d'étendue, pour la vue, un jardin ne me serait d'aucun agrément. Il servirait de lieu de récréation à cet enfant. Mais puisque vous n'en avez point, nous pouvons facilement le remplacer. Voici ce que je conseille. 2 à 3 heures d'exercice à pied tous les jours, sans avoir égard au temps, qu'il soit beau, qu'il soit mauvais, peu importe. Il faut marcher en plein air et marcher à grands pas. Ne confiez donc cet enfant qu'à quelqu'un dont vous serez sûr et qui ne s'amusera pas à flâner. Je ne la confierai à personne. Je lui ferai faire moi-même ces 3 heures d'exercice. Sa vie est trop précieuse pour que je la confie à un autre qu'à moi.